comme dans ma tête, aussi beau qu'un poème, aussi doux quand je t'aime. Ton nom posé en diadème sur un ciel de guinguette brille comme une fête. Ton nom est brodé en sourire sur la voie de turquoise qui vogue sur mes rêves. Ton nom est au bout de ma route pour dissiper mes doutes et mes craintes pareilles. Il s'imprègne d'amour. Ton nom chante comme un cantique au cœur de la basilique où j'attendrai que tu viennes un jour, que tu viennes.